face du mien comme nos conditions de vie sont inégales. Tu connais mes galères, tu sais que l'argent me manque. Même si je refuse ton salaire, tôt ou tard les tentations me manquent. Détresse alarmante, faut pas que je me lamente. À cause du trafic, combien de nous les juges ont mis à l'amende? Combien de mandats tu m'en verras? Ils disent black, blanc, beurre, mais qu'avec le brassard. Ils disent qu'on enseigne la haine à nos enfants dans les madrassas. Ils disent vouloir crucifier les bas allées. Ils disent que la mer provient de la Méditerranée. Je dis que leur jugement ressemble à celui de Burgo. Je dis qu'ils nous incriminent à tort derrière leur bureau. Je dis plus de banania ni de beurre de Benny Wee. Je dis brise la classe comme soya. De la guerre d'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Le bilan est à la fois positif et négatif. C'est à se péter, vivre en fait ce qui d'un côté de la paix et de la guerre. D'un côté de la bourgeoisie et de la pauvreté. Non, non, je veux pas croire qu'il y a du négatif. Que ces gens qui perdent leur mythe. J'ai bien vu qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi de bons moments. Oh, des fois il n'y a pas de, y a de quoi être content. Je te dis que sur ça je mens. Je sais qu'il n'y a pas que des Israël. Ça, je l'ai vu, mais de toute façon, ça revient toujours. C'est trop con. Surtout après que ça tourne et rond, ça alterne entre pleurs et joie. Je fais un constat. Ah! On m'empêche d'interpréter ou prêter ma voix à tous ceux qui sont prêts à tout péter tout près. Du bonheur j'ai tant de mal à le saisir. Dans ma frénésie, le rap mon anesthésie en dose de 16 mesures. Si je cause le ciel azur ou d'un monde pis, c'est une injure aux tibétains, aux palestiniens et à leur supplice. Les yeux se plissent mais y'a pas de parole complaisante. Tu crois qu'on plaisante dans le récit qu'on présente. Je représente l'intense brailleur. Moi je m'en bats de la France d'en bas, je représente la France d'ailleurs. Ici on taille sans suicide à la Dalida. Car d'après eux dans les quartiers y'a que des caïds et des Al-Qaïda. Maracaï d'abord, puis les trip hip hop à tribord et je combats Babylone à bas bord. Aux abords c'est le bordel quand la horde sème le désordre et mélange. Rocade Pascal avec des putes qui viennent pichonner. Façon les baisse, façon stung belaise. Dans les caves du comté, obligé d'affronter cette maudite pression. En guise d'agression pour le cerveau comme la pression. Tu dis sur le comptoir, kebab et sous la rousseur de rasoir. Où les zonards, des old crades jouent les maladors. Tu balades, balades, mais banalisés comme la drôle de brigade. Qui me traque comme un criminel. J'ai hérité de la rue, donc je lui suis fidèle. Votre inspiration à la base vient de la rue. Yo, héritier de la rue, laisse ton poing à l'air pour finir ça de rue, même si ça va pas leur plaire. C'est clair qu'on va toujours battre en forme de légitime défense. C'est bon. En France, j'avoue qu'on peut avoir la forme mais pas le fond. Des fois c'est un peu con. Des fois c'est le but et ça marque des buts. Bref, on empêche les rappeurs de s'exprimer, mais on les laisse bien tous ces mauvais journalistes qui rappent et balancent des conneries. Et après tout le monde rit, quand c'est peur à tout le monde crie. Écoute bien ce qui se passe maintenant. Avant c'était les punks qu'on accusait de faire fumer du skunk, maintenant c'est les rappeurs qu'on accuse d'être.